une histoire particulière. Avez-vous écouté l'histoire que nous vous contions hier ? Nous étions à Alençon, je vous parlais des nains de jardin. Rachel Knebel et François Test nous racontaient un fait divers, sans morts et sans blessés, qui a défrayé la chronique en 1996. Des nains de jardin furent volés par dizaines dans des propriétés privées, des terrains pavillonnaires la plupart du temps, puis regroupés dans la forêt. C'était la naissance du Front de libération des nains de jardin. Écoutons la suite, car les nains de jardin ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. Si, si. Nains de jardin, libérez-nous. Aujourd'hui, pourquoi le nain ? Par Rachel Knebel et François Test. J'en ai, disons, que j'ai récupéré de ma mère. Et puis, on en a acheté et puis on nous en a offert. Oui, commissaire, hein? On aime bien ça. Alors souvent, on nous offre des nains de jardin. Pourquoi vous aimez les nains de jardin ? D'abord, je trouve que c'est joli, déjà. J'aime bien, c'est vrai. Et puis, on aime bien parce que les gens trouvent que la maison est spéciale. Et puis, tout le monde nous dit, elle est super, votre maison, oui. Là, nous sommes dans votre cuisine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine sur le haut des commodes ? Des nains de jardin. Des nains de jardin. Et oui, ça, c'en est qui on nous offre parce qu'on aime bien ça. Quoi. Quand vos nains de jardin ont été volés dans les années 90, qu'est-ce que cela vous a fait ? Rien de bien particulier. Hein. On s'était douté que c'était une histoire d'étudiants. Si, ça nous avait fait mal au cœur quand même, parce que quand on a vu qu'il n'y en avait plus dans le jardin, il y en avait. Bon, bah, on dit mince, c'est quand même n'importe quoi ce qu'ils font. Hein. Ouais. C'est depuis, comme si. On est tranquille, quoi. Et oui. Mais on est obligé de les ramasser. Alors, ramasser. Donc, tous les soirs, on les ramasse. En 1996, en Normandie, une bande de jeunes crée le Front de libération des nains de jardin. Ils volent des nains dans les jardins et les libèrent dans la forêt. Bientôt, ils font la une des journaux en France et à l'étranger, et des groupes similaires apparaissent un peu partout dans le pays. Blagues, rébellions, actions artistiques, c'était un peu tout ça à la fois le FLNJ. Mais pourquoi donc s'en prendre précisément à cet objet-ci, le nain de jardin ? Les nains de jardin dans la représentation populaire, mais aussi dans la représentation plus savante, passent à peu près pour le comble à la fois du futile, du vulgaire, voire du médiocre. Et on y reviendra peut-être notamment à cause de son lien très étroit avec le pavillon, et notamment avec le rêve pavillonnaire. Donc ça m'a semblé un défi intéressant de voir ce qu'on pouvait dire, découvrir éventuellement, et qu'est-ce que racontent les nains de jardin, et qui leur vaut cette réputation méprisée. Bertrand-Marie, vous êtes essayiste. Votre dernier ouvrage, Petite histoire des nains de jardin, est consacré aux nains de jardin. D'où vient le nain de jardin ? Les premiers propriétaires de jardins qui y ont installé des nains, étaient des aristocrates et en fait appartenaient à la noblesse européenne la plus cultivée, la plus raffinée du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et là, donc, il y a une deuxième tradition qui vient très clairement du Nord, qui vient de la tradition à la fois germaine, soit germanique, soit scandinave, soit le rapprochement entre les deux, qui est encore beaucoup plus ancienne que la première tradition dont j'ai parlé, puisque là, elle remonte au Moyen-Âge, voire au-delà. Et ce sont des personnages de nains, alors là, complètement mythiques, qui appartiennent à la mythologie, par exemple, dans les sagas scandinaves, dans l'Anneau des Nibelungen en Allemagne, et qui sont là des personnages un petit peu fantastiques, qui vivent dans les creux de la terre, dans les grottes, dans les forêts, et qui détient un certain nombre de pouvoirs, et notamment le pouvoir de travailler le métal, hein, le forgeron, de connaître les qualités, les propriétés de la pierre, et qui travaille souvent d'ailleurs également dans les mines. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, petite parenthèse, dans le conte de Grimm, Blanche-Neige et sept nains, parce qu'on oublie toujours que ce sont des nains, mais ce sont des nains travailleurs, et des nains notamment qui travaillent dans la mine du matin au soir. Et d'ailleurs, il y a une chanson célèbre qui évoque ça. Ça, c'est la descendance directe de cette deuxième tradition. Et Bertrand-Marie, l'objet qu'on connaît mieux aujourd'hui, le petit homme au bonnet rouge joufflu, lui, il apparaît quand ? Alors, il apparaît très précisément à la fin du 19e siècle, ou la deuxième partie du 19e siècle, en Allemagne. Il y a eu un croisement de ces deux traditions que je viens d'évoquer rapidement, qui a donné le nain de jardin en Allemagne, pas n'importe où en Allemagne, puisque c'est d'abord en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, et ensuite en Thuringe, que les premières fabriques de nains de jardin ont été créées, pour une raison assez précise d'ailleurs, là aussi, qui est que d'une part, il y avait une tradition du travail de la céramique, de la porcelaine et de la terre cuite, qui existait depuis fort longtemps, donc il y avait le savoir-faire. Et d'autre part, c'était une région, la Thuringe, connue de tout temps en Allemagne pour ses mines, puisque c'était donc une région minière. Donc il y avait à la fois le contexte imaginaire, en quelque sorte, et le contexte très matériel qui a permis de produire, d'abord de façon artisanale, et ensuite plus tard, de façon plus industrielle, les nains de jardin tels qu'on les connaît. It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. La première vague, c'était donc la fin du 19e siècle. C'était des objets encore à l'époque relativement onéreux. Et c'est dans un deuxième temps que je situe, surtout à partir du lendemain de la guerre de 14, que là, il y a eu vraiment une première diffusion, alors là, vraiment massive, notamment parce que c'est la période où c'est généralisé, notamment dans le nord de l'Europe, je pense à l'Angleterre et à l'Allemagne, le modèle de la maison individuelle pour des gens de conditions très modestes. Et à chaque fois, avec leur petit jardin. Et dès le début, le nain a été un élément de décoration de ces petites maisons, de ces pavillons. D'une certaine façon, le nain de jardin accompagnait les gens dans un processus de libération, d'accès à un mode de vie qui était réservé jusque-là à la bourgeoisie, voire à l'aristocratie, d'où étaient partis d'ailleurs les premiers nains dont on parlait tout à l'heure. Laurent Lebon, vous êtes historien de l'art, conservateur général du patrimoine, directeur du musée Picasso depuis 2014. En 2000, vous avez organisé une exposition d'art contemporain dans les jardins de Bagatelle, dans le bois de Boulogne, sur les nains de jardin. Pourquoi les nains de jardin ? Quelle idée ? Je passe pour un conservateur un peu atypique. Voilà, j'aime les chemins de traverse. J'aime l'histoire de l'art qui ne rentre pas sur les autoroutes. Voilà, et le hasard de la vie a fait que je m'étais intéressé aux nains de jardin. J'étais d'ailleurs peut-être l'unique spécialiste en histoire de l'art, de la nanologie, hein, cette science des nains de jardin. Alors, j'ai pas fait de thèse, hein, mais j'avais nourri un intérêt sur ce sujet avec un ami, David Laverne, qui est conservateur en archéologie. Et les hasards de la vie font que parfois les intérêts rencontrent d'autres passions. Et la directrice du Bagatelle, Nelly Tardivier, qui nous a quittés, avait un programme d'exposition très dynamique et elle avait voulu trouver une idée un petit peu inédite pour l'an 2000. Elle a dit pourquoi pas, allez, allons-y dans ce lieu un peu classique, j'allais dire un peu bourgeois, de l'Ouest parisien, pourquoi ne pas inviter à célébrer le nain de jardin. Et effectivement, vous avez raison de souligner, c'était très axé sur la création contemporaine, mais dans les bâtiments, il y avait une tentative d'histoire de la sculpture de nains. Justement, Laurent Lebon, des statues de nains, on en trouve depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte ancienne même ? Oui, voilà. Alors, dans l'Égypte ancienne, il y a notamment deux dieux, hein, le dieu Bès, l'extraordinaire dieu Bès, avec sa coiffe de plumes, son sexe énorme, voilà, qui fait un petit peu rêver, et le Ptah-Patek. Le Ptah-Patek est un petit dieu, si je puis me permettre, un petit peu un pléonasme pour un dieu nain. Voilà, et c'est parmi les personnages. Mais on voit aussi beaucoup de nains représentés. Et déjà, on voit cette figure du bouffon. Hein, le nain qui va venir égayer la vie du pharaon, et donc le nain Sénèb notamment est assez connu. On les retrouve évidemment dans les fouilles des tombes, hein, puisque c'est la principale source pour retrouver les antiquités égyptiennes aujourd'hui. Et on trouve aussi, au moment par exemple gréco-romain, un exemple assez connu qui est conservé maintenant au musée du Bardo à Tunis, qu'on a trouvé dans une épave au large de Tunis, des sculptures, et on est quasi persuadé que c'était des sculptures de nains destinées à orner un jardin. Voilà. Et donc là, c'est, on est autour de la naissance de Jésus-Christ, c'est sans doute un des premiers exemples de vrais nains de jardin. J'ai des dizaines de chansons à tous les nains de jardin qui se retrouvent sans raison où l'on s'y attend le moins. Ne vis pas facile, toujours le même profil. À mes pieds, je ne peux plus bouger, non, je ne peux plus bouger. Bertrand Marie, quand le nain de jardin est-il arrivé en France? Alors, le nain de jardin est arrivé en France un peu plus tard, un petit peu après la guerre de 14, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque là, le pavillon peu ou prou a commencé à se diffuser, notamment autour des banlieues des grandes villes. Et là, par exemple, il y a un témoignage qui permet de dater la généralisation, enfin en tout cas la diffusion assez large des nains de jardin. C'est une photo qui est peu connue de Doineau, qui représente, d'ailleurs elle s'appelle le collectionneur de nains de jardin, et qui a été pris dans la banlieue de la première couronne de Paris dans les années, justement, fin des années 40, début des années 50. Donc vraiment là, à ce moment-là, on a la première diffusion, surtout qu'il y a eu une évolution aussi très très technique, c'est que tout simplement, non seulement il y a eu industrialisation du mode de production de ces nains, des unités de production, mais également un changement de matériaux, c'est-à-dire qu'au départ c'était de la terre cuite, donc ça demandait quand même du travail, des moules, etc. C'était relativement compliqué. Et après, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus standardisé, donc les prix ont baissé et les gens ont pu s'en... Et l'autre élément que je rajouterais qui explique la diffusion à partir des années 50 des nains dans ce contexte de hausse du niveau de vie, des congés payés, etc., c'est le film de Disney, Blanche-Neige et les sept nains, parce que ce qu'on sait peu, d'abord c'est que le film a été un succès absolument considérable, donc il était sorti avant la guerre, mais la guerre a interrompu la diffusion du film, après une première sortie dans quelques salles, et donc il est ressorti après la guerre, donc avec un succès absolument sans égal. Et parallèlement à la sortie du film, ce qu'on appelle les droits dérivés, la compagnie Disney a édité tous les sept personnages en figure de nain de jardin, et on retrouve encore aujourd'hui dans certains, moi j'en ai vu, on m'en a montré, des gens qui ont encore chez eux des simplets ou le prof, enfin les différents personnages du film dans leur jardin, parce qu'ils l'ont acheté à l'époque, et depuis d'ailleurs ils continuent à être commercialisés, et c'est un succès et je pense que ça a joué un rôle très très important dans la popularité de ces personnages. Voilà. Just whistle while you work and cheerfully together. C'est quelqu'un qu'on aime, voilà. C'est quelqu'un vers qui on peut projeter son imaginaire, sa passion, voilà. C'est quelqu'un qui apporte du plaisir et du bonheur, j'allais dire tout simplement, le nain de jardin, la sculpture. Par moment, il y a des sortes de frénésie, et on le voit parce que les créateurs, et notamment au moment de l'exposition, il y avait Philippe Starck qui avait fait ces fameux tabourets Attila, Napoléon et Saint-Esprit. Alors, si Starck, qui est toujours un petit peu un sorte de sismographe hein, de l'actualité, s'était intéressé au nain, c'est qu'il y avait une sorte de folie. Laurent Lebon, vous dites on aime le nain. Pourquoi on aime le nain et pourquoi les artistes aiment le nain? Alors, le nain de jardin, c'est une figure tutélaire. J'allais dire, c'est un petit peu l'esprit l'art. Pour reprendre cette comparaison avec le monde antique, c'est dans la maison, dans la domus, il nous faut la personne protectrice, il nous faut la petite sculpture qui va tout simplement nous apporter du bonheur, de la chance, voilà. Évidemment, le nain, faut se remettre aussi dans le contexte de la fin du 19e siècle. Hein. Il y a un grand retour des nationalismes, une grande étude du folklore, et il y a là, évidemment, la figure des frères Grimm, qu'on ne peut pas ne pas citer, et tout ça charrie, et donc il faut matérialiser avec la création, et donc c'est là où apparaît de manière un peu mystérieuse, vers 1870 on va dire, les premières créations de nains. Alors les nains, pour les grands nanologues qui ont une âme, c'est-à-dire évidemment le nain en céramique, hein, à distinguer de l'horrible, abominable nain en plastique, mais que j'aime bien moi aussi, puisque moi je suis un historien d'art, donc j'aime tous les nains. Mais évidemment, il y a évidemment une fracture hein, chez les grands collectionneurs de nains de jardin entre le nain en céramique et le nain en plastique. Voilà, rien à voir. Laurent Lebon, à la fin du XXe siècle, dans les années 90, plusieurs artistes contemporains très connus se sont intéressés oui. au nain de jardin. Alors je citais Philippe Starck en tant que designer, mais évidemment Jeff Koons, le groupe Présence Panchounette, qui est peut-être moins connu et sur lequel on avait fait un focus hein, dans l'exposition. Et d'ailleurs, un des collectionneurs de ces nains, c'est Ben. C'est pas hasard, qui lui-même a fait des œuvres avec les nains. Voilà, je crois qu'il y a là, dans la figure du nain, évidemment, pour quelqu'un comme Jeff Koons, une sorte d'archétype aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors lui, n'a pas tant travaillé sur le nain de jardin que sur la petite figure, le Cape Cod, voilà, qui est aussi très intéressant quand il a retravaillé les grandes figures archétypales avec des petites sculptures en aluminium poli. Oyez, oyez, quand je dis oyez, vous dites oyez. Et quand je dis nain de jardin, vous répétez après moi. Ah, vous la connaissez, c'est super, attendez. Au supermarché, je l'ai trouvé. Hey. Entre tous ces rayons, je cherche ma destination. J'aperçois les fagnons, j'y vais sans une hésitation. Nain de jardin, nain de jardin, c'est super bien, c'est super bien. Nain de jardin, nain de jardin, on en veut un, on en veut un. Ok les amis, vous avez tous compris, peut-être pas tous là-bas, hein, là-bas, là-bas, là-bas. Quand je dis nain de jardin, vous répétez après moi. Lorsque je dis nain de jardin, vous criez. Je me trouvais dans un village en Lorraine et je suis tombé sur un jardin potager avec un alignement de nains et que je regardais au moment où la personne qui habitait là, une dame assez âgée, est sortie de chez elle et je lui ai fait complimenter pour ces magnifiques nains. Et alors qu'on a commencé à parler, à la fin, elle m'a dit, vous savez, les nains de jardin, on les aime beaucoup parce qu'ils sont tout le temps en train de rigoler. Et en fait, ils représentent vraiment une espèce de rayon de soleil, de représentation d'une certaine forme de gaieté qui, dans des milieux et dans des contextes sociologiques, économiques, souvent un peu difficiles, qui représentent quelque chose de vraiment important pour les gens. Et donc là, je dirais que c'est vrai que c'est beaucoup plus net dans ces régions, d'où le fait que le pays par excellence du nain de jardin, c'est évidemment l'Allemagne, où là, on atteint les chiffres oscillent entre 20 et 25 millions de nains de jardin en Allemagne. Donc on est dans une dimension du phénomène absolument considérable, et c'est pas exagéré de dire que c'est un phénomène de société. Au fait, j'ai vu que ton nain de jardin n'était plus là. Il est retourné dans la cabane à outils. Et voilà. Rien, pas d'explication. Il avait peut-être tout simplement envie de voir du pays. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jean-Marc Seignier, vous êtes journaliste. Vous avez couvert en 96-97 les vols de nains de jardin qui se passaient à Alençon. Par la suite, à la fin des années 90, des nains de jardin, on en a vu vraiment partout en France. Ah oui, on en a vu partout, mais très vite le phénomène a pris de l'ampleur. Même dans la publicité, on s'en empare. On s'aperçoit que on voit apparaître des nains. Il y a eu la publicité Hollywood Chewing Gum. Il y a eu la fameuse campagne d'affichage de la foire de Paris de cette année-là. Après, le cinéma s'en est emparé. On voyait jamais de Nain de Jardin. On peut remonter le cours du temps sur le plan cinématographique. Le Nain de Jardin, il n'avait pas une place essentielle dans un scénario. Et là, on a vu, notamment, moi, je fais référence à Amélie Poulain, qui, pour le coup, rappelle une histoire qui s'est véritablement passée en Allemagne, où les foules montent. Enfin, il y a eu régulièrement, on voit désormais réapparaître le Nain de Jardin. C'était de bon ton, même à l'époque, je m'en rappelle, dans certains milieux, d'offrir au moment du pot de départ et de l'ouverture de Mousseux un petit nain en céramique pour celui qui prenait sa retraite. C'était quand même assez amusant. Il y a eu une vague, il y a eu un moment. Il y a même eu un single qui est sorti par les n'importe quoi, qui s'appelait, je sais plus quoi, Volons les nains de jardin, je sais plus quoi. Mais il y a eu, c'est un mouvement qui a été amorcé. Ce qui est drôle, d'autant plus à l'époque, quand on voit les médias qui ont traité l'affaire. On pourrait penser que c'est, les médias qui ont l'habitude de traiter l'actualité par le petit boulet de la lorgnette, qui sont emparés de l'histoire parce que c'est succulent, mais non, pas seulement. On a vu des journaux très sérieux. Moi, je me rappelle avoir vu des photos à la fois dans New Look et puis dans La Vie, le même mois. Il y a beaucoup de médias qui se sont emparés. Le Times avait fait sa une, par exemple, sur l'histoire. Les médias très sérieux, très, très rigides n'ont pas pu passer à côté. Déjà que j'avais pas grand chose, dans ma petite vie pas toujours rose, dans mon petit pavillon de banlieue, oublié des hommes et de Dieu, entre ma petite femme et mon chien, j'avais que la télé et puis rien, à peine un petit carré de pelouse, 1m23 sur 1m12, où il trônait comme un pacha, mon petit simplet qui n'est plus là. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon nain de jardin, je lui ferais passer le goût du pain. Et passer le goût du pain. La clé qui explique pour moi ce qui fait la non-futilité de ces personnages, c'est un petit peu ce qu'indiquait la personne dont je parlais dans le village lorrain tout à l'heure. C'est en quelque sorte le contraste dans ces personnages entre des figures auxquelles peuvent s'identifier les gens du peuple en raison du fait que ce sont très clairement des travailleurs. Donc c'est à la fois des ouvriers, des mineurs, des paysans. Face à cette condition modeste, voire plus que modeste, ils sont tout le temps de bonne humeur, ils sourient. C'est ce qu'on appelle leur niaiserie, c'est ce qui fait aussi qu'ils sont moqués. Mais c'est ce contraste qui me semble leur donner une dimension qui est une dimension autre, qui raconte une histoire sur la façon dont les gens peuvent s'identifier donc à des personnages qui dépassent en quelque sorte une condition difficile, voire une condition fortement subalterne et auquel s'ajoute un élément, alors lui dont on ne parle jamais, qui est que ce sont des personnages physiquement, entre guillemets, anormaux, au sens littéral, pas au sens du jugement, puisqu'ils sont d'abord des nains, donc atteints d'une maladie, et qui pendant des siècles a été considérée comme une forme de monstruosité. D'ailleurs, les nains étaient dans les cirques, etc. Bon, ça n'a pas besoin de raconter cette histoire que tout le monde connaît. Mais en plus, ils ont une autre particularité, c'est qu'ils sont à la fois vieux et jeunes. Donc ils sont aussi, ils ont un statut, même physique, indéterminé. Donc ils représentent d'une certaine façon des gens qui sont des marginaux, à la limite des exclus. Et donc cette façon de s'identifier à eux, c'est une façon de leur donner un sens qui n'a plus rien du tout de futile. Si on me demande une rançon pour lui, je filerai 2 mois de mon RMI. Je veux plus voir mon jardin tout nu, je veux revoir le sourire ingénu de mon petit nain qui, mine de rien, se retrouve aujourd'hui orphelin. On m'a tassé ma seule richesse, je réalise avec tristesse que les voleurs, c'est malheureux, volent toujours à plus pauvre que. Bertrand-Marie, vous avez fait paraître l'année dernière un essai sur les nains de jardin. En 1996-1997, des groupes de jeunes ont commencé à voler des nains de jardin en France pour les libérer, disait-il. Vous vous êtes intéressé à ces fronts de libération des nains de jardin ? Tout à fait, c'est un sujet tout à fait incontournable. Parce que d'abord ça a été un révélateur de ce que l'autre dimension qu'on peut trouver en termes d'intérêt au nain de jardin, c'est que c'est un phénomène de société qui est au croisement de la mythologie et des rapports de classe. Et ce qu'a révélé l'épisode des fonds de libération des nains de jardin. Je dis des fonds de libération parce qu'il y en a eu d'autres à l'étranger, il y en a eu d'autres même en France, il y en a eu en Suisse, il y en a eu en Allemagne, en Angleterre. C'était cette dimension de classe, puisque ceux qui organisaient ces enlèvements de nains, on l'a su après coup, appartenaient tous à d'autres milieux que les milieux des propriétaires de nains de jardin, puisqu'ils appartenaient clairement aux couches moyennes, voire aux couches supérieures. Ils avaient, c'était des diplômés, c'était des gens cultivés, en général des jeunes. Et donc, c'était une façon de se moquer et d'affirmer une forme de pouvoir à travers la moquerie sur une classe sociale qui était différente et qu'ils côtoyaient, puisqu'en fait, la particularité, parce qu'on sait de manière assez précise, c'est que ceux qui ont organisé ces enlèvements et créé ces fonds de libération côtoyaient en quelque sorte les propriétaires de nains. Et donc, ça a été une façon pour eux de marquer leur différence et d'une certaine façon leur supériorité. Alors, avec plus ou moins d'agressivité, ça dépendait des cas. Dans beaucoup de cas, ça s'est pris des formes plus ludiques qu'autre chose. Mais dans certains cas, c'était des formes plus hargneuses, plus méchantes, notamment quand certains certains demandaient des rançons après avoir enlevé un certain nombre de nains dans des jardins la nuit. Mais d'autres demandaient des rançons en envoyant des photos des nains cassés pour faire impression en quelque sorte sur leur victime, entre guillemets. Ce que je trouvais très beau dans le FLNJ, au fond, c'est cette idée de libération. Alors, le geste était beau, et au fond, ce que j'aimais, c'était l'idée de cette performance. Hein, c'est-à-dire, basiquement, une réaction simple, voilà, parce que il y avait un engouement, et je trouvais ça plutôt, finalement, drôle. Et on manque parfois un petit peu d'humour aujourd'hui. Retour en France, décidément, les kidnappeurs de nains de jardin ne respectent rien. Ce week-end, une vingtaine de figurines en plâtre ou en faïence exposées au parc de Bagatelle, près de Paris, ont disparu. Dès dimanche, l'action a été revendiquée par le Front de Libération des Nains de Jardin, Canal Paris. Laurent Lebon, en 2000, lors de cette exposition 2000 nains, 2000 sculptures à Bagatelle sur les nains de jardin, des nains ont été volés. Vous les avez libérés ? Voilà, libérés, hein, j'espère. Évidemment, mon métier, vous l'avez rappelé en introduction, c'est d'être conservateur. Évidemment, on n'est jamais réjoui lorsque la mission qu'on nous a confiée, c'est-à-dire finalement de laisser le patrimoine à nos enfants et nos petits-enfants, disparaît. Il y a 10 000 manières, évidemment, et l'actualité nous le rappelle tous les jours, de destruction du patrimoine et autres. Là, bon, j'étais entre deux feux, un peu écartelé. Quand on fait une exposition, des gens nous font confiance, donc nous prêtent des œuvres. Donc évidemment, on a envie de leur rendre. D'un autre côté, c'était assez attendu. Je dis pas qu'on tous les jours on guettait, mais enfin voilà, ça faisait partie de l'histoire. Et puis certains même d'ailleurs à l'époque m'ont interpellé et m'ont accusé pour relancer l'actualité de l'exposition d'avoir moi-même fait cette libération de notre jardin. Je dois dire, je le révèle 17 ans après, que non, je n'y suis vraiment pour rien et que je cherche d'ailleurs toujours cette libération de nains. Voilà, alors il y avait eu deux vols, c'était un vol de deux types de nains, des nains un petit peu, j'allais dire, de production traditionnelle, et puis une très belle œuvre d'une artiste autrichienne de mémoire, Doris Heidfogel. Là, c'était vraiment de très belles pièces, et là, c'est un peu triste. Enfin, on les a jamais retrouvées, mais peut-être que ça fait le bonheur d'un collectionneur quelque part. C'était Nains de Jardin, Libérez-nous, avec Bertrand Marie, Laurent Lebon, Jean-Marc Seigné. Archivina, Viviane Lefebvre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Rachel Knebel et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain et nous irons à Bourgneuf-en-Mauges. Vous connaissez ? Non ? Alors ça tombe bien, mais c'est une autre histoire.